Bienvenue dans Podcast Science. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, à savoir comment mémoriser les sciences. Donc, tout le monde se souviendra de méthodes que nous avons plus ou moins utilisées, de la cachette dans le bout d'un bâton de colle jusqu'au morceau de papier collé aux cuisses. Mais ce soir, ce dont va nous parler Marco, ce sera plutôt des méthodes pour retenir ses cours. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode numéro 96. Bonjour, bienvenue dans Podcast Science. Donc ce soir, émission toute particulière, la chatroom a pu se rendre compte que c'était déjà l'anarchie parce que le patron n'est pas là. Alan a suivi ses conseils de son épisode de la semaine dernière et est parti faire la sieste pour un petit moment, mais il sera bientôt de retour. Donc pour le reste de l'équipe, il y a pas mal de monde, il y a Franck. Franck, est-ce que tu peux nous dire deux mots ou ça va être trop compliqué ? Ça devrait aller pour deux mots, mais pas beaucoup. Bah non, tu vois, même deux mots, ça va être difficile. Bon. Donc Franck est atteint de félino-ringite, selon Topo. Et on a bien sûr Marco qui va nous faire son dossier ce soir. Salut Marco. Salut à tous. Salut. Et tu vas nous parler de méthodes de mémorisation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au début, j'étais parti sur un dossier au sujet de la tectonique des plaques. Et puis, une fois le dossier presque terminé, je me suis dit que c'était pas trop dans l'esprit vacances hein, qu'on essayait d'instaurer. Et donc, du coup, un peu à la dernière minute, alors vu le temps disponible en ce moment pour moi, deux semaines, c'est vraiment la dernière minute. Donc, j'ai décidé de changer de sujet et de partir sur un sujet qui pourrait éventuellement aider les étudiants en prévision de la prochaine rentrée. Mais bon, pas seulement, puisque c'est ouvert à tout le monde. C'est parti, on commence. C'est parti, on t'écoute. Allez, donc vous faites peut-être partie de ces gens, hein, Nico et Franck, qui répètent à moitié découragés, qui n'ont pas une très bonne mémoire et qui n'arrivent jamais à retenir plus de trois mots, etc. Donc vous avez peut-être objectivement raison, mais heureusement pour vous, cela n'est pas irrémédiable puisque la mémoire, ça se travaille. Nous avons tous en fait le même potentiel de mémoire, hein, qui est potentiel qui est d'ailleurs énorme. Mais ce qui fait la différence, c'est l'entraînement, mais aussi les techniques de mémorisation qu'on utilise. Les gens qui sont connus pour avoir des mémoires phénoménales, et qui peuvent nous paraître vraiment surhumaines pour nous, s'entraînent beaucoup. Ils entraînent beaucoup leur mémoire, tout comme un sportif s'entraîne, évidemment. Mais ils utilisent également des techniques. Et donc aujourd'hui, nous parlerons surtout de phrases mnémoniques, et on va en voir quelques-unes dans différents domaines des sciences, et à la fin, on évoquera rapidement quelques autres techniques que j'ai pu déjà exprimer avec plutôt une très bonne efficacité. Donc pour le fun, Franck et Nico seront mes cobayes pour tester l'efficacité des phrases mnémoniques, et puis j'espère alors ouvrir une voie d'exploration pour les jeunes étudiants qui les écoutent, mais aussi pour ceux qui sont plus étudiants depuis longtemps, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec une première des premières phrases, donc une phrase dans un domaine mathématique, et puis c'est une mnémonique dont tu nous avais parlé, Nico, déjà, lorsque tu avais fait ton dossier sur Pi. Donc c'était un poème, tu sais, un poème pour retrouver les décimales de Pi. Oui, je me souviens très bien. Je ne saurais pas le réciter, mais je m'en souviens très bien. Alors, on va pas le réciter en entier, hein, parce qu'il est quand même assez long. Mais le premier vers, ça donne « que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages ». Donc, dans cette phrase, en fait, vous avez les 10 premières décimales de pi qui sont cachées. En fait, le principe, il suffit de compter le nombre de lettres de chaque mot, et donc vous trouvez le chiffre auquel ça correspond. Donc, « que », il y a 3 lettres, donc c'est le 3. J apostrophe, c'est une lettre, donc 1, M, 4 lettres, donc déjà vous avez 3,14. Et donc, ainsi de suite, vous avez 10 décimales, donc la suite, c'est immortel, Archimède, artiste, ingénieur, qui de ton jugement peut priser la valeur. Voilà, donc là, vous arrivez à une trentaine de décimales, et il continue comme ça jusqu'à, 80 décimales, il me semble. Je me souviens plus trop, mais il y a quelques phrases, donc voilà. Un exemple de poème. On peut utiliser aussi des mnémoniques en trigonométrie. Alors, tout le monde se souvient, ou éventuellement est en plein dedans, hein, des fameuses formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, vous, Nico et Franck. Alors, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça y est, c'est les côtés opposés, côtés adjacents. Non, ça vous dit rien? Non, pas du tout. Ah, si, pour les sinus et cosinus, là, mais il y a une phrase. Y a moyen de retenir, oui, à l'aide de phrases mnémoniques. Donc, les formules, en fait, c'était cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà, donc il y a plusieurs formules hein, qui existent. Hein. Et une première formule consiste en fait à associer un mot à chaque formule dont les lettres permettront de s'en souvenir. Donc par exemple, le mot cahier est associé à la formule cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Alors pourquoi hein, mais parce que cahier, ça commence par le C de cosinus, puis le A de adjacent et le H de hypoténuse. Vous avez compris? Ah ouais, pas mal. Voilà, donc simplement en retenant le mot cahier, vous retenez cette formule-là. Donc, de la même façon, on peut attribuer le mot soho, hein, à la formule du sinus. Donc soho, ça commence par le S de sinus, le O de opposé et le H de hypoténuse. Oui, d'accord. Voilà, et pour la tangente, c'est encore plus simple, puisqu'on peut utiliser par exemple le mot coca. Donc coca, c'est côté CO, côté opposé, CA, côté adjacent. Voilà, donc il y a une autre mnémonique aussi qui consiste à retenir un groupe de trois lettres pour chaque formule. Donc, ce qui donnerait ici CAH, SOH, TOA, et phonétiquement, ben, ça donne casse-toi. Donc en retenant casse-toi, vous avez codé les trois formules. Et c'est facile à retenir. Ben, c'est facile à retenir. C'est après, une phrase de tous les jours. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà, il n'y a pas un standard bien établi, bien sûr, c'est libre à vous d'inventer vos phrases, vos méthodes et d'utiliser celles avec lesquelles en fait on est le plus à l'aise, quoi. Donc vous savez que moi j'aime bien les mots coca, cahier et soho pour retenir. Je trouve ça plus simple. Donc on va voir du côté de l'astronomie, par exemple. Est-ce que vous connaissez l'ordre des planètes du système solaire comme ça? Ouais, mais je crois qu'il y a une phrase, mais attends, je vais pas parler parce que ça va pas marcher si je parle. Sans la phrase, est-ce que vous les connaissez? Sans la phrase, alors attends, c'est dur, mais je crois que la première c'est Mercure. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Neptune, oh putain, pardon, Neptune, Jupiter et Pluton, mais je vais me taire parce que c'est trop dur de parler. Alors tu t'es trompé, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, par exemple, il y a une phrase. Alors moi, c'est une phrase que j'avais appris en CM2, donc je m'en suis souvenu toute ma vie. Et c'était « Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nageur ». Alors à l'époque, c'était parisien parce qu'il y avait Pluton. Donc maintenant, on pourrait enlever parisien. Mais voilà, « Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nageur ». Donc en prenant en fait la première lettre de chaque mot, vous avez la première lettre de la planète dans l'ordre, quoi. Donc me, ça commence par un M, donc c'est Mercure, voici, c'est Vénus, tout, Terre, etc. Voilà, donc il y a d'autres versions, il y a plein de phrases du même type. Il y a mon vélo tourne mal, j'en souhaite un nouveau. Donc là, pareil, identique. Vous prenez les premières lettres de chaque mot et vous retrouvez l'ordre des planètes. Il y a aussi mal vêtu toi-même, je suis un nudiste. Donc faut pas chercher de la grande philosophie dans les phrases, sinon ça devient trop compliqué. Plus c'est naturel, plus c'est facile à retenir en fait. Ouais, en plus, oui, il faut vraiment des phrases simples, quoi. Voilà, où il y avait ma vieille tante Marie a été jetée samedi un navet. Voilà. Ouais, voilà. Même quand c'est un petit peu, comment on dit, quand c'est un peu gravache, quoi, quand c'est. Quand c'est la connotation sexuelle, quoi, on retient mieux, tu sais, les trucs un peu graveleux, voilà, c'est ça. Ah, c'est plus, il faut que ça marque et on retient mieux, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai mis une méthode aussi pour se souvenir de sinus et cosinus et tangente proposée par Topo sur le live, sur la page du live, si ça intéresse. Ah oui, d'accord. Ok, donc, tiens, on va faire l'essai. Alors maintenant, Franck, est-ce que tu es capable de me donner l'ordre des planètes du système solaire? Tout mouillé, j'ai suivi un nageur. Attends, mais j'ai pas retenu ta phrase. Redis-moi la phrase. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nageur. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nageur. Oui, bah voilà. Nous voici tout mouillé. Me voici. Ah oui, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. Et Neptune. Et voilà. Neptune, ouais. Voilà, exactement. Voilà, donc on peut faire la même chose, par exemple, aussi avec les quatre lunes principales de Jupiter. Alors là, c'est déjà plus dur pour les connaître. Ouais, d'ailleurs, je crois que personne ne les connaît. Donc c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc pour les retenir, la phrase c'est « Il est grand, Charles voilà. ». Ah ouais, pas compliqué comme phrase, c'est bien. Non, voilà, c'est le principe, c'est de prendre vraiment des phrases faciles à retenir. Mais là, c'est dur de refaire le lien, parce que là, tu connais pas le nom des satellites forcément. Donc, est-ce que c'est facile de refaire le lien entre la première lettre et le nom entier? C'est plus dur. Déjà, il faut connaître un minimum à la base les noms en eux-mêmes, quoi. Mais après le principe, le but de la première lettre, c'est que ça permet de mieux remémorer le nom, quoi. On sait par quelle lettre il commence et souvent les noms nous reviennent du coup quand on a la première lettre, les deux premières lettres, ça nous revient plus facilement. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors dans ces cas-là, plus la phrase est bonne, en fait, pour que la phrase soit vraiment bonne, il faut que le début des mots soit le plus colle le plus au vrai mot, quoi, en fait. L'idéal. Ah, okay. Si t'arrives à trouver des mots qui commencent par les trois premières lettres identiques ou les deux premières, c'est encore mieux. Voilà. Donc toujours au niveau astronomie aussi, on peut faire la même chose avec les types spectro-stellaires. Donc les étoiles en fait sont classées suivant leur température, on les classe dans des catégories qui s'appellent en fait O, B, A, F, G, K et M. Donc là la phrase pour retenir les catégories c'est O, be a fine girl, kiss me. Donc c'est une phrase en anglais, ouais. Mais qui est quand même facile à retenir, et là c'est simplement les premières lettres qui correspondent aux classes. Okay. On peut faire la même chose aussi avec la vitesse de la lumière dans le vide. Donc bon, on utilise souvent 300 km/s pour arrondir. Mais on peut utiliser une phrase pour retenir en fait la valeur exacte. Et cette phrase en plus, là, c'est encore mieux parce qu'elle a un rapport un peu avec ce qu'on cherche à retenir. Et elle dit « Ah, admirable, message... pardon, excusez-moi. Ah, messagère admirable, lumière éclatante, je sais votre célérité. » Là, il faut que tu nous expliques un peu. Là. Voilà. Donc là, en fait, ça, en remplaçant chaque mot par le nombre de lettres qu'il contient, on retrouve la vitesse de la lumière. Donc, AH, c'est 2 lettres. 2. Messagère, ça a 9 lettres. Admirable, ça a 9 lettres aussi. Donc, 299. Et ainsi comme ça. Oui, je sais ce que tu veux dire. Mais alors, moi ça, j'ai essayé pas mal ce genre de moyens mnémotechniques. Mais le truc, ouais. C'est qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a un autre truc essentiel, c'est que, un, il faut que ça marche, que tu puisses te rappeler. Et deux, faut que ça aille vite, tu vois. Et moi, ce que je reproche un peu à ce genre de truc, c'est que tu prends un temps fou à essayer de retrouver tes machins, tu sais, à recompter les lettres et tout. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, quand tu dois recompter les lettres, là, c'est vrai que tu perds plutôt du temps à compter lettres. Effectivement, là, tu as des fois, moi, ce que je faisais, c'est des compilations de moyens mnémotechniques, et tu sais, à la fin, je m'y perdais. Enfin, tu vois, il faut que ça soit aussi, faut que ça marche, il faut que ça soit fonctionnel aussi, quoi. C'est ça que. Oui. Alors, c'est vrai que dans le cas de la lumière, bon, généralement, de toute façon, on utilise souvent 300 km/s dans nos calculs, quand on est en cours de fac ou quoi, c'est toujours 300 km/s qu'on utilise, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ou pire, c'est donné, de toute façon. Mais bon, c'était un exemple quand même pour donner. De toute façon, il y a un côté folklorique à ces phrases, parce que la plupart ne servent plus à grand chose. Les décimales de pi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui les utilise. Non, c'est vrai que les décimales de pi, non. Mais bon, les formules cosinus, sinus, ça, on l'utilise souvent. Je crois que je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est en première, non? En seconde? Oui. Vers là, me semble. C'est lointain. C'est lointain, ouais. Voilà, puis après, bon, c'est surtout pour de la culture générale, pour retenir les planètes du système solaire. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, quelque chose de fondamental. Ouais. Alors, si on regarde maintenant du côté de la chimie, donc il existe aussi des phrases pour retenir les périodes, en fait, les éléments du tableau de Mendeleïev. Donc, on avait un peu évoqué ça, je crois, dans un podcast, il me semble. Donc, par exemple, pour la période 2, donc c'est la ligne 2, grosso modo, nous avons le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Donc, pour obtenir tout ça, Vous avez par exemple Liverpool, berceau des Beatles, connaît naturellement ses olibrius fous et névrosés. Donc là, en prenant en fait la première lettre de chaque mot, vous avez la première lettre de l'élément, voire même les deux premières, parce que Liverpool c'est Li comme le lithium, berceau c'est Be comme le beryllium, bon Beatles c'est B comme le bore, mais c'est le symbole du bore. Voilà, connaissez comme carbone, etc. Donc là, la phrase, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Moi, celle que je connaissais, celle que j'avais retenue, alors, on va dire bizarrement, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, elle est plus facile à retenir, c'était « Lise baisse bien chez notre oncle Fernand Nestor ». Ah ben voilà. Voilà. Donc de suite, ça se retient beaucoup mieux. Ah, c'est marrant parce que je connaissais pas la même. Moi, je connaissais « Lily baisait bien couché nu au flanc de néon ». Oui, ça c'est, je me sens que j'ai déjà entendu cette version, mais je préférais celle-là je trouvais que c'était plus facile à retenir. Et puis sinon, pour les littéraires aussi, on peut dire lire beaucoup Balzac, car notre orthographe fait négliger. Pour la période 3, alors il y a justement, donc la période 3 c'est le sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Donc un exemple de phrase qui permet de retenir cette ligne, ce serait « Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent ». Voilà. Ou sans claquer d'argon, parce qu'en fait on peut avoir porté confusion entre argent et croire que c'est l'argent, alors en fait que c'est l'argon. Voilà. Mais encore une fois, là, ces phrases-là, elles marchent que si on connaît bien les éléments. Par exemple, si on sait que LEN de Napoléon, c'est le... Oui, mais moi, par exemple, tu vois, c'est le genre de phrase que j'utilisais quand j'étais en cours de chimie pour me souvenir. Mais après, tu es quand même plus ou moins familier, justement, avec les éléments. Après, c'est simplement pour retrouver un ordre. D'ailleurs, Napoléon, c'est le piège, parce qu'en fait, tu es en train de chercher, c'est sodium, en fait. Ouais, voilà, c'est Na de sodium, ouais. Donc voilà, et après, il y a un peu des subtilités, mais quand tu es habitué avec les éléments, bon, tu te retrouves, quoi. Bon, après, tu peux changer si tu n'es pas familier avec ça. Tu veux trouver un mot qui commence par SO pour faire sodium. Tu peux aussi. Hein. L'essentiel, c'est d'être à l'aise avec la technique qu'on utilise. Quoi. Ouais, voilà, donc après, il y en a des tout simples aussi. Vous souvenez de la loi en thermodynamique de PV égale NRT. Ah, vas-y, ouais. Voilà, donc ça, elle est facile à retenir cette formule, mais bon, si on veut utiliser une phrase, on peut utiliser Pascal voulu nous rendre théistes. Ah oui, alors PV, NRT, PV égale NRT, c'est la loi des gaz parfaits, hein, pression fois volume égale nombre de molécules fois la constante de je sais plus qui fois la température. Voilà, c'est ça. Et donc il y a pareil. Bon, la formule différentielle de l'enthalpie, celle-là, je vais pas la dire parce que je vais pas la dire à l'antenne. Pas avant 22h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je vous dis juste que la formule, c'est DH égale TDS plus VDP. Donc voilà, vous imaginez TDS, VDP. Alors, non, je vois pas, mais j'ai peut-être pas l'esprit assez mal. Je vous en parlerai après. Pour la géologie, alors ça, j'en avais parlé, je m'en souviens, c'était pour retenir les périodes géologiques de l'ère primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase « Cambronne, Ordonna, silence et dévouement, assez carabiné, permissif ». Alors celle-ci, je la trouve géniale parce que justement, tu vois, Cambronne, c'est déjà, on a presque cambrien, quoi. Ouais, on a déjà ordovicien, quoi. Elle est vraiment bien, celle-là. Celle-là est vraiment bien, oui, parce qu'elle commence vraiment de la même façon, quoi. C'est pas seulement une lettre. Ouais. Donc quand tu arrives à faire des phrases comme ça, c'est encore mieux, quoi. C'est encore plus facile, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. En fait, tu passes plus de temps à faire ta phrase que ça te prendrait de mémoriser ton cours. Voilà, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que le temps que tu passes à faire ta phrase, ça te permet de mieux mémoriser, tu vois. Donc, quelque part, c'est pas forcément inutile. T'es pas perdant, quoi. De quoi on parlait? Oui, on parlait des aires de l'ère primaire, de l'ère secondaire, donc c'est triage jurassique, crétacé. Donc là, bon, c'est pas compliqué à retenir, mais bon, on peut utiliser 3 jours chacune. J'ai trouvé sur le net comme phrase 3 jours chacune. Bon, c'est à l'appréciation de chacun. Et puis les périodes géologiques de l'ère tertiaire, donc là, vous avez Paléocène, Éocène, Oligocène, Miocène et Pliocène. Et la phrase qui permet de les retenir, c'est les pales de l'éolienne d'Oléron miaulent et plient. Donc en fait, vous prenez le début, vous rajoutez en gros Océne à la fin, et vous retrouvez le nom de la période. Donc les pales paléocène, éolienne et Océne, etc. En biologie, donc qu'est-ce que vous connaissez, par exemple, les étapes de la mitose? Alors, ça, j'ai jamais réussi à les retenir, donc si t'en as un, je suis preneur. Avec le mot promettante. Ah, prometteante. Ouais, pas mal. Promettante. Voilà. Donc tu fais prophase, métaphase, en fait c'est anaphase et télophase. Voilà. Ouais, promettante. Ok. Il existe même des techniques aussi pour retenir le code Morse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà. Non, je pense pas. Alors, c'est vrai que moi, je m'étais amusé à essayer d'apprendre le morse une fois. C'est assez compliqué, surtout quand on ne le pratique pas du tout après. Et donc, Il y a des, il y a des, il y a des, est-ce qu'il y a des, t'as trouvé des trucs mnémotechniques pour apprendre le morse? Parce que c'est vrai oui. qu'on, vu comme ça a l'air d'être aléatoire en fait, chaque code pour chaque lettre, Ah, mais mais alors. chaque code est absolument pas aléatoire. Je crois que les codes du morse sont faits pour que les lettres les plus courantes soient les plus courtes. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est quand même calculé. Ouais. D'accord, mais vu de l'extérieur, nous on n'a rien pour retrouver ces codes parce que justement on ne sait pas qui est la plus Non. fréquente et qui est la plus, oui. Ouais. Donc en fait, pour le principe de la méthode, c'est le code long. En fait, vous savez que le morse, c'est un code long et un code court. Un signal long, un signal court, les traits et les points. Donc en fait, le trait, le signal long, vous allez le remplacer par une syllabe en O, d'accord? Mo, do, do, fo. Et le code court, le point, en fait, on le remplace par une des autres voyelles. D'accord? Donc en fait, on va prendre un exemple, ça sera plus explicite. Le A en morse, il se code par un point et un trait. Donc pour mieux retenir ce code, on peut utiliser le mot allo. Ah, d'accord. La première syllabe, en fait, c'est A, il n'y a pas de O, donc c'est un point. Et la deuxième syllabe, c'est l'O, il y a un O, donc c'est un trait. Voilà, donc. Alors attends, s'il y a pas de O, c'est un point. Ouais. Si c'est un O, c'est un trait, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, par exemple, si je te dis le mot moto. Point, très très. Voilà. Ça, donc moto, ça commence par un M, hein, voilà. Donc le M se code très très. Ah, c'est génial ça, c'est génial, mais bon, après je voulais te dire le morse ça sert plus à rien, mais ok. Non, mais Non, bon. Je si trouvais ça jamais. marrant. Je trouvais ça Non, mais c'est marrant. vrai, moi aussi, j'ai souvent pensé à apprendre le morse, c'est marrant. Ouais. Donc le mot rigoler. Point, très, point. C'est S, non, c'est R, je suis con, putain. CR, voilà. Oui. Exactement. Voilà, et C'est dur puis de dire des gros mots, ouais. voilà, et donc le i, pour le i, il y a ici, donc point et point. Ok. Mais Voilà. attends, mais ici, il y a une seule syllabe. Oui, non, il y a deux syllabes, d'accord. I, c'est la première syllabe, et si, la deuxième. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis sinon, par exemple, pour ne plus confondre anode et cathode, on revient un peu en chimie, hein. Ah, Alors, mais je sais alors pas si ça, pareil, j'ai jamais réussi. Vas-y. voilà, est-ce que voilà, j'allais vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas ce problème-là de confondre Alors anode et attends. Juste peut-être anode et cathode, c'est quand on prend une pile, donc une pile électrique, c'est le nom de chaque borne de la pile en fait. Il y a la borne positive et la borne négative, c'est ça? Alors, et je C'est me ça. tente, je dirais qu'anode c'est négatif parce qu'il y a un N dedans, non? Alors en fait là c'est pas pour ouais c'est ça enfin ça c'est une technique pour obtenir le côté positif et négatif mais là c'est plus pour obtenir en fait sur lequel a lieu l'oxydation et sur lequel a lieu la réduction vous savez dans les réactions de oxydo-réduction Oui. voilà donc on sait jamais en fait est-ce que l'oxydation est sur l'anode sur la cathode Ben moi moi je sais moi, moi j'avais un personnellement mot j'avais un moyen mnémotechnique moi. ah tu utilisais lequel alors? Je disais anox et cathrède. Anox et 4. Cathrède. Donc D'accord. Anox, donc Oxydation, ouais, et 4-aide, ouais, d'accord, ok, ouais. sauf que c'est peut-être l'inverse. C'est ça, c'est bon ou pas? C'est ça, ouais, c'est ça, Ah, l'anode, l'oxydation. Donc en fait, on peut retenir qu'à l'anode, il y a l'oxydation, donc les deux mots en fait oh, commencent ouais. par une voyelle, les deux commencent par une voyelle, tandis qu'à la cathode, il y a une réduction et les deux mots commencent par une consonne. Ah oui, Voilà, d'accord. Et sur moi, les deux. j'avais un truc dans le même genre, c'est pour savoir, tu sais qui t'es dans les couples acides, dans les couples d'oxydoréduction. T'as un oxydant et t'as un réducteur. Oui. Il y avait un moyen pour se souvenir de quel est celui des deux qui a l'électron. Qui est-ce qui a l'électron? Tu sais ou pas? Ah non, j'avais pas de moyen pour ça, non, vas-y, je sais pas. Et bon, moi je confondais, est-ce que c'est l'oxydant qui a l'électron ou est-ce que c'est le réducteur? Et en Ouais. fait, dans le réducteur, il y a le E de l'électron, donc c'est le réducteur qui a l'électron. Ah ouais, bah ouais. Voilà, une technique tout simple. Ouais. Excellent. Et puis, bon, dans le même ordre d'idée, il y avait, j'ai pensé aussi aux stalactites et aux stalagmites. Alors, est-ce Ah que ça oui, parle? elle est Est-ce que vous connue connaissez? celle-là. Ouais, Ouais. elle est plus connue, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue. Donc, est-ce que vous savez vraiment? Stalactite, c'est celle qui tombe ou celle qui monte? Bah voilà, tu l'as dit. Bah il y a un T comme tombé, donc c'est celle qui tombe. C'est ça, voilà, stalagmite, il y a M comme monte. Donc, voilà, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est super connue. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tout le monde sait ce que c'est que la stalactite et un stalagmite parce qu'il y a ce moyen mnémotechnique, mais c'est comme les planètes du système solaire, ça sert strictement à rien de savoir qu'est-ce que c'est. Non, Ça me fait marrer ce genre de truc. mais t'as moins l'air bête le jour où tu vois. Bah ouais, mais moi ça m'a jamais servi en tout cas. Enfin bref. Voilà. Bon, on va s'arrêter là donc pour les phrases mnémoniques. Puis comme je vous l'ai dit, libre à vous en fait de faire vos propres phrases. Et quel que soit le domaine d'application, en fait, c'est une méthode quand même qui est sympa à avoir toujours sur la main, quoi. Voilà. Ok. Donc pour finir, je voulais parler quand même de deux autres méthodes qu'on peut utiliser. Donc il y a l'art de mémoire, c'est une méthode qui s'appelle l'art de mémoire, qui est aussi appelée méthode des loci ou méthode des lieux. C'est une méthode mnémotechnique en fait qui est pratiquée depuis l'Antiquité et qui sert principalement à mémoriser rapidement un discours. En fait, elle est basée sur le souvenir de lieux déjà bien connus, auxquels on associe par divers moyens les éléments nouveaux que l'on veut mémoriser. Ce fut enseigné pendant très longtemps, pendant des siècles, dans les universités. Donc, pour utiliser la méthode, en fait, on visitait plusieurs fois l'édifice en examinant toutes ses parties, toujours dans le même ordre. Et puis, après plusieurs visites, on était capable de se remémorer et de visualiser en fait chacune de ces pièces avec précision. Ouais, D'accord? c'est l'ordre en fait qui permet de mémoriser, c'est ça. Ben, c'est ça en fait. Je vais finir d'expliquer. Donc au début, tu mémorises bien un édifice, et puis ensuite, pour mémoriser le discours, tu le découpes en parties, chacune qui va être symbolisée par une image saisissante ou par un symbole que tu vas associer à la partie. Un symbole souvent qui a un rapport, quoi. C'est mieux comme ça te fait repenser. Et puis en pensée, en fait, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils déposaient chacune de ces images dans l'édifice. Alors mentalement, hein, il déposait mentalement chacune de ces images dans l'édifice qu'ils avaient visité. Et puis on pouvait ensuite se remémorer chaque image dans l'ordre en imaginant qu'on visitait l'édifice dans l'ordre actuel. Mais je crois que c'est ce genre de méthode qu'utilisent les personnes qui font des records de mémoire, bah, typiquement les gens qui mémorisent les décimales de pi, C'est etc. ça. Ils ont des... Exactement. Ouais. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire Ah maintenant. bon, désolé. Voilà. Mais ouais, tu peux, t'as bien fait. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont célèbres de nos jours, en fait, pour avoir des mémoires exceptionnelles comme ça, qui utilisent cette technique d'une façon ou d'une autre, effectivement, et ils utilisent la capacité du cerveau en fait à mémoriser des images. Et donc il y a même des compétitions de mémoire qui existent. Il y en a une qui fut inaugurée en 91. Et puis une partie de la compétition en fait consiste à mémoriser et à retrouver une séquence de chiffres et de nombres à deux chiffres, de lettres de l'alphabet ou des cartes à jouer. Et pour obtenir en fait ce résultat, ben, de nombreux compétiteurs en fait apprennent par cœur bien avant la compétition Ils gravent vraiment donc dans leur mémoire à long terme. Ce qu'il y a, c'est que pour graver dans sa mémoire à long terme, il n'y a pas d'autre secret, c'est la répétition, quoi. Et donc, ils gravent une image saisissante. Et au moment de la composition, en fait, ils déposent les images mentales qu'ils ont associées à chacun des points d'arrêt, en fait. Je sais pas si vous avez compris. Si, si, si. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, en repensant, voilà, ce lieu familier, donc, ils utilisent vraiment cette technique. Et, donc, pour se les remémorer, ils font mentalement le chemin, en fait, hein, ils observent, l'image qu'ils ont déposée à chaque endroit. Ouais, d'accord. Donc, voilà. En utilisant cette méthode, par exemple, ben, le champion du monde, de mémoire, qui est d'origine allemande, il a réussi à mémoriser 1040 chiffres en une demi-heure. Donc, au moyen d'un parcours mental, lui, il utilisait un parcours mental de 300 points d'arrêt à travers son domicile. Donc, il connaissait par cœur son domicile. Il a établi 300 points d'arrêt dans son domicile. Et puis, grâce à ça, alors là, il voilà, 1040 chiffres en une demi-heure. Impressionnant. Donc, notre bon vieux cerveau a besoin de mémoriser des trucs plus compliqués pour mémoriser des trucs simples comme une file de chiffres. C'est pas hyper optimal, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, tu peux tout mémoriser avec ça, avec ce que, tu vois, ce que, ton parcours mental que tu as, c'est vrai que j'ai compris ce que tu veux dire, mais ce parcours mental que tu as mémorisé, une fois que tu l'as mémorisé, tu peux t'en servir pour tout. Oui. Donc, c'est vrai que, à la base, tu peux dire que c'est pas optimal, mais ça peut être rentable, suivant l'utilité que, tant que tu pratiques. Ah ouais, voilà. Ok. Et puis donc, d'après pas mal de gens d'ailleurs, une personne qui disposerait de capacités de mémorisation ordinaire, hein, comme moi disons, pourrait en fait, après avoir gravé dans sa mémoire à long terme, donc c'est vrai que si je m'étais à faire cette méthode, d'après certaines personnes, d'après certains spécialistes, je serais capable de mémoriser un jeu de cartes complet en moins d'une heure, mémoriser l'ordre complet des cartes, de plusieurs paquets de cartes même. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as vu dans au cours de ta préparation, est-ce que tu as vu les théories qui disent qu'en fait toute mémorisation doit être liée à une émotion en fait et qu'on ne retient pas les choses si on n'est pas s'il n'y a pas un facteur émotionnel dans l'information qu'on essaie d'apprendre en fait. Oui, vas-y, je te laisse finir. Et ce qui rend vain, en fait, ce qui fait que le moyen mnémotechnique, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait un but, quoi, enfin, une envie. Une envie, quoi, ou un besoin, quoi, quelque chose. Bien sûr, c'est sûr qu'on retient toujours mieux les choses pour lesquelles. En fait, il y a quelque chose qui joue vraiment un rôle important dans la mémoire, c'est l'attention. Oui, l'attention et l'attention qui est liée elle-même. Donc, quelque chose qui nous intéresse, on a ouais. Ce qui est lié à l'émotion, en fait. Si on est attentionné, c'est ouais, passionné. Voilà. Donc c'est sûr que là, dans ce cas-là, on mémorisera mieux, mais bon, vous avez été à l'école comme moi, on n'est pas toujours attentionné. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Mais en fait, par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'on retient? On retient quand on s'est fait afficher au tableau à ne pas savoir un truc. Tu vois, là on retient parce que on est forcément très impliqué, quoi. Alors que quand on est dans le fond de la classe et qu'on est complètement exclu, on retient rien du tout, quoi. Et donc c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Donc il faut des méthodes mnémotechniques. Alors, mais c'est vrai que ces méthodes, tout le monde les utilise, je pense, à un moment ou à un autre, à un certain degré. Mais même pour quelqu'un qui a une très bonne mémoire et une mémoire intégrée, c'est toujours une béquille. Oui, bien sûr. Moi, j'utilisais des méthodes beaucoup plus sommaires, hein, mais bon, que les méthodes mnémotechniques, quoi. Mais en maths, toi, t'as fait des, je pense, des maths, il y a moins besoin de charger la mémoire avec des trucs lourds à apprendre par cœur, non? Bah, tu peux retrouver, oui, certains résultats, mais t'as quand même besoin de certains trucs de base. Ouais, d'accord. Et puis, ces trucs-là, de toute façon, ont existé aussi, parce qu'on a un système éducatif en France où on juge pas mal sur la mémoire, en fait, sur le fait de connaître par cœur des formules, etc. Donc on a toujours besoin. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais bon, pour finir sur ce que tu disais, Franck, c'est vrai qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que tu parlais de l'émotion. C'est vrai que l'émotion entre très fortement en jeu dans la mémorisation, puisque, par exemple, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre. Ça c'est super marrant, je trouve. Oui, effectivement. Et ouais. C'est typiquement ça, quoi. C'est typiquement ça, c'est que moi je me rappelle très bien où j'étais au moment où je voilà. Voilà, parce qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde a ressenti une émotion. d'une façon ou d'une autre. On se souvient tout. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu un accident de voiture, par exemple. Moi, j'en ai déjà eu un et je me souviens parfaitement des 3 dernières secondes. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a un truc aussi qui est un petit peu lié aux moyens mnémotechniques, mais c'est ça, je pense, c'est une expérience que tout le monde a faite. C'est quand tu arrives dans une atmosphère particulière, ça va te rappeler des choses qui sont liées à cette atmosphère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu vas dans une maison dans laquelle t'es pas allé depuis longtemps, ben, y a plein de souvenirs qui vont te revenir en même temps, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, je pense que tout le monde a fait cette expérience, ouais, de voir un objet ou un lieu et de repenser à tout plein de souvenirs qui ont l'impression de sortir d'outre-tombe, quoi. Et voilà, exactement, ouais, c'est exactement ça. Ou sinon, moi je me suis toujours dit, tu vois, quand tout le monde, tous les jeunes, enfin quand j'étais à l'école, tu connais la chanson, toutes les chansons de tes groupes préférés, tu connais toutes les chansons par cœur. Ou comme y a Topo qui nous dit sur la room là, les génériques de dessins animés, etc. On connaît tout ça par cœur. Alors que pour apprendre les leçons, on connaît pas du tout, tu vois. Alors pour les génériques de dessins animés, il y a peut-être aussi le phénomène de répétition. Ouais, mais attends, les répétitions, tu les as à l'école aussi. C'est justement là, c'est le. Ouais, je sais pas ce que c'est le. Oui, mais répétition, tu entends une fois, après ça, toi, t'entends un générique, les génériques de dessins animés, on les a entendus des centaines de fois, certains, dans notre vie. Ouais. Peut-être la musique aussi qui fait ça. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a le facteur musique, le facteur que c'est quelque chose qui est facile à retenir aussi, généralement. Tu vois. Ouais, et puis ça reste de l'émotion. T'étais extrêmement content de retrouver tes dessins animés, donc. Ah ben oui aussi. Mais je le suis encore, je le suis encore. Ok. Voilà. Donc on est en train de. Donc ben, cette méthode là de l'art de mémoire, donc qui consiste en fait à mémoriser une pièce. J'ai utilisé une variante. En fait, moi j'ai déjà expérimenté une variante de cette méthode avec une enfant pour lui faire apprendre ses poésies et c'est, je dois dire, c'était avec un grand succès. Donc en fait la variante que j'utilisais, moi je prenais des objets en fait. Je prenais des objets donc dans sa chambre, il y avait plusieurs jouets, et je prenais un objet qui pouvait faire penser à la phrase, à la première phrase. Je prenais après un deuxième objet qui pouvait faire penser à la deuxième phrase, etc. Puis je mettais les objets côte à côte. Et donc je lui disais, ben, concentre-toi sur l'objet, et grâce à l'objet, essaie de te rappeler de la phrase qui va en premier, puis celle en deuxième. Et en 5 minutes, c'était fini. Ça faisait 1 heure et demie que j'étais dessus. Vous savez, les enfants, en plus, ça bloque toujours sur des petits trucs, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils bloquent sur ça. Et là, c'est une méthode depuis que j'utilise, et je dis, c'est du temps de gagner. Ouais, des fois, c'est flagrant, quoi, le temps qu'on peut gagner comme ça. Ah, mais c'est pour moi, c'était la méthode magique, là, que. Ouais, voilà. Il faut vraiment toujours penser à chercher des méthodes pour se simplifier les choses dans l'apprentissage. Ouais, je pense que même, tu vois, pour les enfants, c'est pratique, puis même ça les aide aussi, pourquoi pas, après, justement, à développer cette technique, ce sens de la mnémonie, quoi. Ouais. Bon, voilà. Et puis, ben, pour finir, on va parler en fait de Gregor von Weinigel. Alors, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Hein. Moi, j'avais jamais entendu son nom avant. Von Weinigel ou Weinigel. Donc, c'est un moine allemand en fait qui est devenu célèbre en Europe au début du 19e siècle, puisqu'il s'est reconverti en inventeur et en professeur en fait d'un système mnémotechnique. Alors son système, en fait, il se compose de 2 méthodes complémentaires qui sont censées pouvoir s'appliquer aussi bien à l'apprentissage de l'histoire que de la géographie ou des mathématiques et des langues. Alors, la première méthode de mémorisation, c'était pour mémoriser des faits et des événements. Donc en fait, Feinegel compare la mémoire à un entrepôt dans lequel il suffit de bien ranger un objet pour pouvoir le retrouver facilement. Par la suite. Donc, il a invité les élèves à imaginer qu'un ensemble de pièces dans lequel on dépose, sous forme de symbole, les éléments dont on veut se souvenir. Donc, au final, en fait, chaque pièce renferme un certain nombre de symboles disposés de manière à raconter une petite histoire. Alors, je vais pas en parler plus ici parce qu'à l'audio, c'est pas très pratique à expliquer. Mais bon, voilà, grosso modo, il suffit de symboliser une histoire, alors par des traits, à la limite, je vous invite à aller voir plutôt sur Internet, sur Wikipédia, par exemple, vous tapez son nom, Gregor von Feinigel, donc c'est Feinaigle. Donc vous avez une image qui vous présentera mieux la chose, parce que à l'audio, ça sera pas très pratique. Par contre, il avait une deuxième méthode qui servait pour la mémorisation des chiffres. Et c'est une méthode aussi que j'ai utilisée personnellement et que j'utilise pour me souvenir en fait de mon numéro de sécu par exemple, même s'il est assez facile à retenir, ou de mon numéro de carte bleue. Alors pas le code, mais vous savez le numéro qui est écrit sur le numéro à 12 à 16 chiffres. Ou encore par exemple mon immatricule professionnel. Bon, souvent on me demande mon immatricule professionnel et voilà, je dois chercher un papier, je mets toujours une demi-heure à en trouver. Donc je l'ai codé de la façon dont je vous ai expliqué et c'est vraiment, ça me simplifie la vie. Donc la mémorisation des chiffres, en fait, elle se fait au moyen d'un tableau d'équivalence entre nombres et consonnes. Donc, par exemple, 1 va être codé par un T, parce que le T, c'est un seul trait vertical. Le 2, ça va être un N, parce que le N, ça se fait avec deux traits verticaux. Le 3 avec un M, parce qu'il y a trois traits verticaux. Le 4 va le coder par exemple avec un R, parce que le R se retrouve dans 4 en français, dans fort en anglais, dans fier en allemand aussi. Le 5 par un L, bon voilà, il y a le 6 par un D, le 7 par un K, le 8 par un B, le 9 par un P, le 0 par un S. Et donc en fait, grâce à ça, on va, pour former un mot, en fait, on va partir d'un chiffre qu'on transforme. On va transformer, par exemple, chaque nombre en consonne, et puis on va ajouter une ou plusieurs voyelles de son choix, de façon à faire un mot connu. Donc, par exemple, 34. 34, donc, comme j'ai dit, ça serait M et R. M et R, donc, bon, c'est pas forcément facile à retenir. Par contre, si vous ajoutez des voyelles, par exemple, un U, ça vous fait mur. Vous pouvez faire mer, mar, émir, amour. Donc, en retenant un mot, parce que c'est plus facile de retenir en fait des mots que des chiffres. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Non, c'est pas pareil pour moi par contre. Ah bon? Ah oui, alors ça c'est sûr et certain, j'ai beaucoup de mal à retenir les chiffres alors que les mots. Les dates, les dates. Ah ouais, moi les dates, après j'ai toujours un écart de plus ou moins 10 ans près, je m'en souviens pas. Donc, autre exemple, là, 140, ça serait TRS, TRC. Donc, ça donnerait des mots comme trace, tierce ou torse pour obtenir le mot 140. Bon, là, c'est des mots courts. Vous pouvez faire des chiffres plus longs, par exemple, comme 747 312. Alors là, ça serait le code donnerait en lettres K, R, Q, M, T, N. Donc là, on va faire plutôt croque-mitaine. Croque-mitaine. Bon, écrit un peu à la dic, on va dire, dans un orthographe douteux. Et c'est ce que disait Mantine sur le chat. Ça ressemble à du. Ouais. J'ai pas entendu, Nico, tu dis. C'est un langage là où tu mélanges des chiffres et des lettres, là. Je sais plus comment ça s'appelle. LIT, le langage LIT. Mais c'est pas grave. Ouais. On sait que... Voilà, le principe de cette méthode, c'est en fait d'attribuer une lettre à un chiffre. Alors, moi, le tableau que je vous ai donné là en exemple, c'est un que j'avais pris sur Internet, mais c'est vrai que moi, j'avais pas utilisé exactement les mêmes choses, pas exactement la même méthode, puisque là, il suffit juste c'est que des consonnes qu'on utilise et après, on rajoute les voyelles. Moi, j'avais mis des voyelles, par exemple, je trouvais que le 3, ça ressemblait à un E à l'envers, donc je mettais le 3, je mettais la valeur de E. Il y avait le 5, je trouvais que c'était un S, donc au lieu de mettre L comme on faisait dans l'exemple que j'ai donné, je mettais un S. Voilà. Mais chacun fait comme il veut, en fait, mais après, c'est le principe, c'est de pouvoir se simplifier la vie avec et de retrouver des dates ou des numéros de sécurité sociale. Ouais, donc là, on est quasiment plus dans la mémorisation, mais plus dans modifier des choses en s'en souvenant, quoi. Pour faire des mots de passe ou des choses comme ça. De trouver un moyen pour s'en souvenir aussi. Ça. Alors, je me permets à propos de ça, le lit, on peut écrire ça 1337, parce que ça se lit lit à l'envers. Et il est bon à savoir que pi pour cent de lit, donc de 1337, ça fait 42 à peu près. Voilà, ça parlera à qui ça parle au niveau des geeks de la chatroom qui sont en train de s'amuser. Donc 42, la réponse à toutes les questions 42. De l'univers. Oui, voilà. C'est un peu une formule qui rassemble tous les chiffres importants pour les geeks, quoi. 42, il sera quoi? Voilà. Bon, ben, ben super. T'as fini, Marco, ou t'as encore des choses à nous raconter? Non, j'ai fini, voilà. Ben, merveilleux. Donc, on a plein de méthodes pour souvenir plein de choses qui servent à quelque chose ou pas. Voilà. Mais en tout cas, pour s'en souvenir. Voilà. Ben, je pense que beaucoup de monde doit certainement utiliser des méthodes. D'ailleurs, si vous avez des méthodes que vous utilisez à nous faire part, n'hésitez pas. Hein, moi, ça ouais, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur le billet du dossier, et voire même, bah, du coup, ça me fait une transition toute donnée pour en commentaire audio, parce que depuis la semaine dernière, on peut faire des commentaires audio sur le site, donc il vous suffit d'avoir un micro et de nous laisser un commentaire audio. Ça peut être l'occasion de nous donner vos meilleurs moyens mémotechniques, et on en passera peut-être à l'antenne la semaine prochaine. Bah, on va passer tout de suite peut-être au teaser de la semaine prochaine. C'est toi, Franck, qui te charge de l'épisode de la semaine prochaine. En fait, ce dont je vais parler la semaine prochaine, c'est définir la classification taxonomique. Qu'est-ce qu'une espèce? Qu'est-ce qu'un genre? Qu'est-ce qu'un embranchement? Et voir est-ce que la notion de race est une notion scientifique. Par exemple, la sous-espèce, on sait que c'est une notion scientifique. Ce sont des animaux qui sont dans deux clades différents, mais qui peuvent se reproduire entre eux. Donc, on va voir si la race est une notion scientifique ou pas. Et qu'est-ce que regroupe ce concept de race? Voilà. Donc, d'accord. Approcher pour l'homme, en fait. Voilà. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc, on va enfin savoir si on peut parler de race ou pas, quoi. Bon, exactement. Enfin, merveilleux. On ne peut pas. Il faut bien le dire qu'on ne peut pas. Parce que faut c'est, bien dire qu'on ne peut pas, ouais. En tout cas, pour les hommes ou même pour les animaux, on ne peut pas parler pour de race. Pour les animaux, on peut, mais pour l'homme, on ne peut pas. C'est ça, d'accord. Mais pour les animaux, ça existe quand même. C'était pour ça que je posais la question. Exactement. Ok, bah, super. Un beau programme en perspective. Ok, super. Alors après, on va passer à un peu des news bah, sur l'émission, par exemple, pour dire qu'il faut voter pour le podcast sur les awards de Pod Radio. Donc l'adresse, c'est awards.podradio.fr. Alors il faut bien sûr voter pour Podcast Science dans sa catégorie, qui je crois est catégorie originale, et voter pour plein d'autres podcasts. Il faut voter de toute façon pour toutes les catégories, il y a plein de podcasts super bien, donc n'hésitez pas à voter. Je crois qu'il y a nos amis de Niptech qui sont dans une des catégories, donc... Allez voter pour Podcast Science et puis pour tous les autres podcasts que vous aimez bien. Dans les autres infos de la vie du podcast, et on rappelle qu'il faut être là pour la 100e, donc ça aura lieu le jeudi 23 août. C'est un épisode exceptionnel en direct depuis la Suisse, c'est-à-dire qu'on sera tous ou presque en Suisse, à squatter chez Alan pour enregistrer l'émission. Et on vous prépare plein de petites choses spéciales pour la 100e de Podcast Science. Et il faudra absolument être en live pour participer en live à ce qu'on propose, quoi. Voilà. Bah après on va passer aux news. Quelques news. Moi j'avais une news, mais vu l'état de ma voix, je crois que je vais la laisser tomber. Et puis vu qu'on est un peu avancé dans le temps, ouais, comme vous voulez en fait. Bon, comme tu veux, si tu veux en dire deux mots, mais je crois que ça va être avec ta voix. La semaine prochaine, il n'y a rien d'urgent. Bon, on va arrêter le supplice pour Franck, le pauvre. Ouais, voilà, merci Marco. C'est dommage. Bah du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe à la côte si on n'a pas de news. Moi, de mon côté, j'ai pas news, de news, pardon. J'ai tellement galéré déjà pour finir mon dossier à temps. Très bien. Alors, on passe à la côte. Donc, on a deux côtes au moins. Il y en a aucune en anglais. Donc, Marco, t'es pas forcément obligé d'en lire une. Je sais pas, Franck, t'en lis une et je lis l'autre. Ah non, mais Franck, t'as pas de voix, je suis bête. Donc, on repart sur... Donc, on a une première côte qui est d'Oscar Wilde qui dit « Pour retrouver sa jeunesse, il n'y a qu'à recommencer ses folies ». Ouais, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. C'était en référence au retour à l'école avec Marco qui nous fait partager ses moyens mémotechniques. Voilà, j'ai trouvé marrante. Ouais, mais elle est pas mal, jamais. Et moi, j'en ai trouvé une un peu à la dernière minute, mais que j'aime bien. C'est l'érudition, c'est la mémoire, et la mémoire, c'est l'imagination. Je suis pas forcément d'accord, mais je trouve que ça sonne bien. Donc, et c'est de Max Jacob. C'est pas mal, c'est à méditer, quoi. Ça tombe pas sous le sens. Ouais, à méditer. C'est ça. Ouais. Ok, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission, donc juste quelques rappels un peu rituels. D'abord, n'oubliez pas de noter le podcast dans iTunes, ça nous permet de remonter un peu en mettant une note et de faire que d'autres personnes découvrent le podcast. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Google+, donc à chaque fois c'est Podcast Science avec la bonne chose devant, un arrobas pour Twitter, un plus pour Google et rien pour Facebook. On rappelle aussi que vous pouvez noter chacun des dossiers si vous avez envie. Ça permet aussi de savoir si le dossier a plu, si on était compréhensible et tout. Donc nous, ça nous aide pas mal à construire les dossiers suivants. Et voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, Franck et Marco. Moi, c'est tout. Une mes excuses pour ma voix, mais sinon, pas c'était de super, soucis, Marco. Donc, voilà. Et moi, mes excuses pour l'anarchie un peu technique de cette émission, mais bon, fallait bien montrer que le patron est indispensable, donc c'est ce qu'on a fait ce soir. On l'a bien démontré, oui. Voilà. Et ben donc, à la semaine prochaine, avec une émission de Franck qui va nous expliquer qu'il n'y a pas de race chez les hommes et comment les espèces sont classées. Voilà. Et essaie de retrouver ta voix, Franck, hein, quand même. Et essaie de retrouver ta voix, ce sera mieux, ouais. À ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Salut, à bientôt.